français, voyagez dans le bassin liégeois de la belle époque à nos jours. Toutes les étapes de Phoenix 21 sur liège1418.be. Entrée gratuite avec la province de Liège, la première. Très bon samedi à tous, il est 11h. Les infos, Ryslaine Kounda. Bonjour Ryslaine. Bonjour à tous. Derniers adieux à toutes Tillmans. La cérémonie funéraire devrait commencer d'un instant à l'autre en l'église de la Hulpe dans le Brabant Wallon. Il y a déjà beaucoup de monde, près de 600 personnes. Parmi elles, des personnalités comme le prince Laurent ou le Premier ministre Charles Michel. Des musiciens aussi qui joueront des airs chers à toutes. Un écran géant est installé sur le parvis de l'église pour suivre l'office de l'extérieur. Funérailles aussi en Italie en ce jour de deuil national. Le bilan du puissant séisme qui a secoué le centre du pays mercredi s'est alourdi à 284 morts. Cette nuit encore, deux corps ont été extraits des décombres à Amatrice, la localité la plus sévèrement touchée par la secousse. Sergio Mattarella, le président italien, s'y est rendu dans la matinée avant d'aller dans d'autres localités dans la journée pour assister à des funérailles. Les secouristes continuent de s'activer pour déblayer les gravats, mais l'espoir de trouver des survivants s'amenuise d'heure en heure. La purge se poursuit en Turquie. Trois anciens hauts diplomates turcs, dont un ancien conseiller de l'ex-président Abdullah Gül, ont été placés en détention provisoire. Ils sont accusés d'être liés à la tentative de coup d'État le 15 juillet dernier. Jour d'élection présidentielle au Gabon, un scrutin à un seul tour qui oppose deux favoris, le chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba, et l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. Jean Ping qui veut mettre un terme, prétend-il, à la dynastie au pouvoir depuis 50 ans. À cette heure-ci, les bureaux de vote enregistrent peu d'affluence. Ce scrutin se déroule dans un contexte économique un peu difficile. Un tiers d'habitants vit dans la pauvreté malgré de grandes richesses forestières et minières. Pour finir, profitez de votre samedi chaud et ensoleillé. Malheureusement, avec cette vague de chaleur, l'ensoleillement persistant et la faiblesse du vent, ce samedi devrait enregistrer de fortes concentrations d'ozone, surtout dans le nord et l'ouest du pays. Et le risque de dépassement du seuil d'information sera élevé dans les zones où l'ensoleillement perdurera dans l'après-midi. Un conseil, évitez les efforts physiques inhabituels et tout exercice en plein air entre midi et 22h. Belle fin de matinée. Toute l'info est sur rtbf.be. Et Sophie Mounz, c'est à vous avec Bientôt à table. Ryslaine, que du produit de saison. Oui. Aujourd'hui en studio, bon. De belles tomates qui viennent d'être cueillies par un maraîcher qui inspirant. Qui embaume le studio et ça oui. fait du bien. Et nous recevrons aussi un chef terroiriste étoilé. Tout ça jusque midi, les amis. La première. Vous vous rappelez la première fois que vous avez pris l'autoroute seule, coincé à 70 entre deux gigantesques camions. C'est alors que vous avez pris une profonde respiration. Passez la troisième en faisant craquer la boîte. Changez de fil et laissez les camions dans le rétro. Vitres et radio ouvertes à fond. Moteur en sur-régime. Vous avez respiré le vent de la liberté et probablement quelques émanations de diesel. Vous voulez à nouveau ressentir la satisfaction de prendre votre destin en main? Alors vous devriez investir chez Bing. Parce que chez Bing, c'est vous qui décidez seul de ce que vous faites de votre argent. Bing, parce que c'est votre argent. Pour chez moi, j'ai choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Vous êtes déjà plus de 500 000 à avoir choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Aujourd'hui, investissez avec nous dans notre parc éolien et ensemble faisons progresser les énergies renouvelables. Luminus, ensemble, faisons la différence. Infos et conditions sur luminus.be. Ce dimanche, IKEA, Wheelrex, Zaventem, Anderlecht et Hasselt sont ouverts de 10 à 18 heures. Venez faire un tour et profitez de nos offres pour la rentrée. Plus d'infos sur IKEA.be. Un PC très lent, ça rend très vite fou. Profitez donc vite de nos super deals sur le plus grand assortiment de PC portables, de convertibles, de tours, de tablettes et plus encore. Et c'est uniquement maintenant jusqu'au 30 août inclus dans nos magasins et sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. La première et la 3 présentent, cet été, visitez le musée Hergé à Louvain-la-Neuve. Entrez dans la vie et l'œuvre du créateur de Tintin et Milou. Plus de 80 planches originales, 800 photos, documents et objets divers. Promenez-vous dans la ville piétonne, le parc de la Source et faites une pause au restaurant Le Petit 20e. Info, museehergé.com. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Babona, votre arme contre les insectes. La première et la 3 présentent... C'est une des rares occasions où, sans promotion aucune, vous pouvez rencontrer des écrivains, parler, échanger, ne pas être d'accord être surpris, découvrir. Autant dire, vivre et prendre le temps de s'asseoir sur le trottoir d'à côté. Les 2, 3 et 4 septembre, intimefestival.be. Avec le soir, BTV, Moustique et Canal C. Renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où? Il est où le bonheur? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Take it easy. Simplicité sur toute la ligne. Ce samedi, toutes les tendances mode automne-hiver sont dans le magazine Victoire. XXL, transparence, cuir et paillettes redessinent une féminité qui s'affirme. Victoire Collector mode femme, ce week-end avec votre journal le soir. Demandez-le à votre libraire. La première, 11h midi, le samedi, bientôt à table, avec Sophie Mouls. Bonjour à tous, bienvenue à tous pour cette 9e saison de Bientôt à table, une année résolument gourmande, épicurienne et toujours à l'affût de bons tuyaux pour manger mieux et encore mieux. Plus que jamais, nous irons zioter chez ceux et celles qui amorcent le changement agricole et alimentaire. Des solutions pour une alimentation encore plus cohérente, durable et goûteuse sont possibles. On vous en fera chaque semaine la démonstration. Bientôt à table, c'est reparti pour une année. Bonjour Carlo. Bonjour Sophie. En forme? 9e saison. Je vous traîne, dites-moi, comment je fais? Mais plus que ça, si on compte nos années de chronique matinale de 7h du matin. Alors Carlo, voilà. Au programme du jour, une rencontre avec un maraîcher qui pense déjà l'agriculture de demain et un chef terroiriste étoilé. Je vous laisse faire les présentations. Alors, nous avons Christophe Hardiquest. Ah, chef étoilé. Deux bon étoiles bon. Au guide Michelin, ouais. 19,5 Goemio, et surtout ouais. Un de nos plus grands chefs belges, un chef artiste qui ouais. crée, et qui surtout, il faut le signaler, c'est pas sa seule qualité, il en a bien d'autres, mais il est toujours là. Quand vous allez manger chez Bonbon, eh bien, il est toujours là. Bonjour Christophe Hardiquest. Bonjour Christophe. Bonjour Sophie, bonjour Carlo. Alors, vous êtes chef étoilé, on vient de l'entendre, et vous avez décidé en 2016 de remettre le terroir sur le devant de l'assiette avec un grand projet qui s'intitule Brussels from Two, et vous remettrez tous ces prochains mois des produits bien de chez nous à l'honneur. C'est une vraie belle démarche dont on avait envie de parler ce matin. À vos côtés, un maraîcher formidable, il s'appelle Thibaut Walkiers, il a 33 ans, il a quitté le cinéma pour se lancer dans l'aventure agricole. Bonjour Thibaut. Bonjour Sophie. Ne soyez pas timide, approchez-vous de votre micro, il est gentil. Voilà. Thibaut, je voulais vous faire venir parce que vous faites partie de cette nouvelle génération qui ouvrait les chemins des possibles vers d'autres systèmes, d'autres méthodes de production, et vous nous prouvez que ça peut être une belle, belle aventure. Voilà les amis, tout ça jusqu'à midi, c'est juste pour vous, c'est cadeau et c'est plein de gourmandises avec plein de recettes évidemment. Bientôt à table sur la première. Avant de découvrir nos deux invités du jour, un petit point sur nos étiquettes, qu'on ne lit pas toujours, d'ailleurs très rarement. Il y a du changement dans l'air, Carlo. Mais oui, les consommateurs vont être contents, si tant est qu'ils lisent justement. Je voudrais d'abord... D'abord, il faudrait que je les comprenne, moi, parce que même en trop, je ne comprends pas tout. Mais si franchement, il faut développer son esprit critique par rapport aux étiquettes. Et je pense que c'est vrai qu'après, quand on voit les tomates de Thibaut, on se dit qu'il n'y a pas besoin d'étiquette. Hein. Voilà. Mais voilà, je voulais adresser un chaleureux remerciement préalable à notre ami Robert Rémy, mon mentor S-étiquette. Oui, c'est mon guide, c'est mon phare. Robert Rémy, spécialiste consommation, évidemment. Voilà, qui a travaillé pendant 40 ans chez Gomme Chesson, continue à sévir. Je pense même qu'un jour, on va le retrouver en librairie. Alors, plusieurs plans de changement. Les infos nutritionnelles. Avant, c'était volontariste. C'est-à-dire que le fabricant décidait ou pas de mettre les infos nutritionnelles. Sauf quand il y avait une allégation santé. Genre, renforce les os. Genre, te donne la pêche en toutes circonstances. Eh bien là, à ce moment-là, il fallait mettre toute l'information nutritionnelle. Ben voilà, maintenant il faudra, et donc Deleuze devra mettre son info nutritionnelle sur le hummus, comme ça on saura vraiment combien il y a de calories dedans. Enfin, elle est peut-être là, elle est peut-être cachée derrière l'étiquette. Bref, alors la règle sera donc, allégation ou pas, pour tout le pré-emballé. Ça veut dire qu'en revanche, tout ce qui concerne le vrac n'a pas d'obligation d'info nutritionnelle. D'accord. Ce qui ne nous dérange pas, nous, à Bientôt à table, quand on parle d'artisans qui s'est basé sur la confiance, etc. Mais quand c'est du traiteur vrac déballé, ouvert, du sachet, machin, etc., eh bien, c'est un petit peu embêtant. On aimerait bien quand même savoir combien de calories, combien de lipides, combien de graisses saturées il y a ou pas. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Du côté des allergènes, les allergènes. Turgène. C'est le grand moment. On a identifié, le législateur, dans sa grande sagesse, a identifié 14 allergènes. Tout le monde doit être capable d'informer sur les allergènes. Tout le monde. Alors là, c'est valable pour le vrac, pour les restaurateurs. En ce qui concerne les restaurateurs, souvent, ça se résume par un petit A4 avec les bouts un petit peu abîmés, scotchés sur la fenêtre en disant si vous avez un petit problème d'allergie, informez-vous. Enfin, aujourd'hui, dans un restaurant, on vous demande souvent avant la commande s'il y a des allergies, etc. Alors, quand c'est dans une grande maison comme chez Christophe, on vous demande effectivement ce que vous n'avez pas, ce que vous êtes allergique, puisque de toute façon, ce sont souvent des menus un petit peu surprises. Vous vous adaptez à ce genre de problématiques alimentaires qui s'avèrent dire il y a de plus en plus de personnes sans gluten, machin et tout. Mais oui, évidemment. C'est facile pour vous de vous adapter à aujourd'hui, nous, on a un fonctionnement complètement différent chez Bonbon. C'est-à-dire que nous travaillons, nous faisons du sur-mesure pour chaque table. Ah, oui. Chez nous, nous n'établissons pas un menu pendant 3 mois, mais un menu à chaque table et à chaque soirée différent pour chaque table. Donc c'est vraiment un sur-mesure. Oui. Wow. Et je pense que c'est ce qui va faire demain la grande restauration, le luxe de demain, c'est le sur-mesure. C'est-à-dire qu'on doit être à l'écoute de son client. Le sur-mesure, mais avec quand même des produits de base identiques. Il n'y a pas 35 produits que vous allez décliner chaque soir. C'est un produit décliné de manière différente. Non, pas du tout. On a énormément de produits. Ah oui. Et on a du légume, on a des tomates de Thibault, on a plein de choses sous la main et on improvise un certain moment pour les allergies. Et donc pour vous adapter. Voilà, exactement. Voilà pour le tout petit volet allergie. Carlo, de retour à nos étiquettes. Oui. Au niveau de l'origine des aliments, c'est ça qui m'intéresse souvent. Vous allez être fort déçu, Sophie. Avant, c'était uniquement la viande de bœuf dont on devait mentionner l'origine. L'origine n'était pas obligatoire. Non. À des exceptions, par exemple, les huiles d'olive. Hein, quand vous achetez une huile d'olive avec un nom qui sonne très très italien, souvent on s'attendait à ce qu'il y ait de l'huile d'olive d'Italie dedans. Bien, maintenant, on doit marquer la mention de l'origine. Et donc, la plupart du temps, si vous voulez, ces grandes marques, il y a marqué huile en provenance de différents pays de l'origine européenne, de l'Union européenne. Ça, c'est ce qui se passe. Alors maintenant, c'est pas uniquement la viande de bœuf, c'est toutes les viandes. Mais il y a un truc qui m'épate et qui fait toujours bondir mon ami Robert. Rémi, que j'ai déjà cité une fois, c'est que dès que c'est un produit un peu transformé, mais genre dès qu'il y a du sel dans le haché, on ne doit plus. Oh. Non. Enfin. Ben non, on ne doit plus. Ça devient un produit transformé. Regardez, amusez-vous, regardez les étiquettes. Vous retournez une barquette de viande de bœuf et on vous mettra origine Belgique, abattu Belgique, etc. Mmh. Retournez une barquette de saucisse, eh bien, ce ne sera pas pareil. Mais il faudrait quand même qu'on m'explique pourquoi. Voilà, parce qu'on estime que c'est un produit transformé, que donc l'origine est moins importante. Ah bon, il ne faut pas être hyper focalisé sur l'origine. C'est pas parce que ça vient. J'aime autant, à la rigueur, consommer du belge que de l'allemand. Bien sûr, mais on ne va pas faire. Voilà, je vous avais parlé à l'époque du label Belbeef. On sait que c'est pas parce que c'est belge que c'est forcément passionnant. Ouais. Mais on est d'accord. J'aime savoir d'où ça vient. Quoi, bonne nouvelle pour les amateurs de scampi décongelé. Je suis sûr qu'il y en a plein autour de la table. qui voudraient se faire passer pour des frais. Décongelé devient une mention obligatoire. Je vais le dire à ma copine, si tu nous entends, qui adore faire ses courses chez Picard, d'écrire décongelé sur la prochaine fois qu'elle nous sert des akouskis. Non. Je l'aime elle beaucoup. Elle n'est plus votre amie. Si, c'est pas vrai. Non, mais je devrais pas faire ce genre de blague. Mais soit. Bon, donc ça doit être indiqué dorénavant. Mais oui, c'est important. Okay. Parce que si ça a été décongelé, on peut pas recongeler. Mmh. Merci la foule en délire. Mmh. Idem avec reconstituer. Les trucs reconstitués, les surimi, le jambon qui est fait avec toute une famille de cochons différents. Et même cette année, sur l'autoroute, il m'est arrivé de commander une escalope milanaise en Italie, et en coupant, j'ai vu que c'était de la viande reconstituée. Fini, il faut le dire. Et quand on ajoute de la flotte, à partir de 5%... Ça doit être indiqué. Ça doit être indiqué également. Est-ce que ça nous change la vie, ça ? Alors, ça, moi, d'après vous ? À partir du moment... Oui. Si, moi, je suis persuadé que le consommateur est un homme libre qui, comme le dit notre ami Perico Legas, choisit en votant et achète, vote en achetant. Et je pense que cet homme libre, quand il est bien informé, il fait de meilleurs choix. Ça ne nous empêche pas, évidemment, de continuer à nous passionner ici pour les circuits courts, les trucs en vrac, etc. Toutes les bonnes choses dont on parle ici. Et le produit brut, c'est quand même... Je crois qu'il faut vraiment revenir à ça cette année. C'est mieux que des raviolis en boîte. On va essayer d'acheter au maximum les produits tels qu'ils sont. Et on va essayer de les transformer nous-mêmes. Ça, c'est une des clés de notre alimentation. En grande surface, un produit brut dans les bureaux, un mono-ingrédient. Voilà, c'est ça. On préfère dire produit brut. Il fait son malin. Allez, à 11h14, on va écouter un petit peu de musique avec Cocoon, I Can Wait. Et juste après, on vous parlera d'un maraîcher formidable et d'un chef qui vous emmènera au 7e ciel, au moins. eyes. Sexy mommy, small guitars. Sugar daddy, lullabies. Sleepy Yuki, the perfect place to be. Cocoon à l'instant, I can't wait. Vous écoutez bientôt à table sur la première. Nos invités du jour, Thibaut Walkiers, un maraîcher formidable, et Christophe Hardiquest, un grand chef bruxellois, deux étoiles, qui viendra nous parler d'un grand projet axé, Carlo, sur la réhabilitation Carlo de, la bouche pleine, de notre terroir. Oui, parce que lui mange, Carlo, ça ne change pas, ça après Thibaut vient de nous faire goûter ses tomates. Alors, notre maraîcher du jour, vous êtes le premier à ouvrir cette saison qui sera essentiellement dédiée à la découverte de ces hommes et de ces femmes qui font avancer le schmilblick, hein, la cause alimentaire. Thibaut, vous avez 33 ans. 35 en fait. 35 ans. Vous êtes venu en Marseille avec vos petites cultures du matin. Alors, tu voulais le mettre à l'aise. Je voulais qu'on parle de votre parcours. Vous avez commencé votre carrière dans le cinéma, hein, milieu artistique, et déjà vous posez des questions sur ce monde agricole qui tourne plus tout à fait rond. Racontez-nous. Ben, j'ai toujours imaginé 45 ans, 50 ans, arriver à cet âge-là, en fait, devenir ce qu'on appelait néo-farmeur. Oui. Donc, nouveau fermier. Me payer une petite ferme, et au lieu d'attendre 60, 70 ans pour m'imaginer à la retraite, ben, m'imaginer pas à la retraite, mais dans une vie plus connectée, on va dire. Ouais. Mais une vie plus connectée. Quand on quitte un métier du cinéma, on n'est pas forcément aguerri à la vie, à la ferme, dans les cultures maraîchères. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure maraîchère où vous êtes en reconnexion avec la terre, avec l'humain, parce que c'est du vrai circuit court? Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette démarche? Qu'est-ce que vous avez voulu prouver finalement, ou vous prouver? En fait, moi j'ai toujours adoré ça. Mmh. Quand j'étais petit, j'avais un potager. Et j'ai jamais imaginé qu'on pouvait en vivre, en fait. Ouais. Parce qu'on a toujours vu des fermiers avec des tracteurs gigantesques, des champs qui faisaient 40 hectares, 50, 120, 220. Et donc, on ne pouvait pas s'imaginer fermier sans que le père le soit, l'été. Mais c'était une histoire de famille, a priori. Voilà. Ouais. Mais c'est-à-dire, surtout les terres, certains des collègues de Thibaut qu'on a reçus ici nous ont expliqué qu'il n'y a pas de terre. C'est difficile de trouver des terres disponibles. Vous avez fait comment? C'est très difficile. Voilà. Ouais. Vous le confirmez que c'est difficile. C'est très difficile. On se dit, je vais louer à Lopin de terre, ça ne va pas être cher. Et apparemment, c'est guillemets verrouillé. C'est très difficile, mais ça l'a toujours été. D'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose qui change, non, ça évolue, ça devient peut-être. Vous avez fait comment, vous? Pour avoir c'est un tout petit lopin de terre chez Thibaut. C'est pour l'instant, petit. Voilà, c'est j'ai trouvé 20 arts C'est plus ou moins 20 arts en légumes. Ouais. Après, je fais de la sève de bouleau en saison, donc au tout début du printemps, sur 2,5 hectares qui sont forêts. Oui. Mais dans cette démarche, quand vous avez dit, je vais me lancer dans une activité de maraîchage, vous êtes là à contre-courant de la grande tendance, où on est dans des cultures industrielles à gros volume. Vous, c'est vraiment le contre-pied, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que vous avez voulu faire en créant cette exploitation? C'est de dire qu'un autre modèle existe? Oui, tout à fait. Est possible, un autre en modèle tout cas sans chimie, où on fait attention à s'occuper, avant de s'occuper de plantes, on s'occupe du sol. Et c'est quelque chose qu'on voit arriver depuis, en tout cas moi, depuis une dizaine d'années. On voit qu'il y a des nouveaux types de maraîchers ou d'agriculteurs dans tous les pays du monde. Mais on voit des choses en Angleterre, en France. Et puis voilà, ici ça peut D'ailleurs, il y en a plein, et ça pousse comme des champignons. Hein. Ouais. Ouais. C'est-à-dire des jeunes qui, comme vous, lâchent un boulot, quel qu'il soit, pour se mettre au maraîchage, et qui finalement reprennent possession d'un savoir-faire plus ancien, c'est une tendance assez forte. Après, en volume, je pense que c'est pas encore assez, mais en termes de nombre de gens... C'est suffisant, mettent... en tout cas, pour qu'ils puissent en vivre. Donc c'est ça, c'est ça le défi, oui. C'est que vous pouvez vivre de vos cultures, et d'un vrai travail, vous me disiez, Rantaine, qui a un véritable sens. Vous êtes en contact direct avec les consommateurs, qui recherchent aussi une reconnexion à la terre. C'est ça l'idée, c'est ça qui vous pousse dans cette démarche en encore et toujours, hein. Voilà. Oui, ça, je me sens remercié par chacun. Thibaut est très timide, hein, je dois vous le dire. Mais peut-être qu'on va lui laisser finir. Non, mais sinon, pour répondre, je suis un peu timide, mais sinon, à Carlo, il y a un truc qui se passe, c'est que depuis la nuit des temps, par exemple, une ferme, elle va avoir tendance à grandir et à manger ses voisins, en conventionnel. Oui. Ça veut dire que les tracteurs évoluent, et ce qui prend 2 heures sur un champ, 10 ans après, en fait, ne prend plus que 10 minutes, puisque... tout ça grossit, mais ce modèle, en fait, tout doucement, il tombe et dégringole. Oui. Mais on le voit, on en parle souvent. La demande, de plus en plus, en fait, n'en veut plus. Ça paraît peut-être très élitiste, mais ça l'est de plus en plus. Oui. Et alors, si vous voulez, il y a comme de petites places qui se forment pour des petits maraîchers, pour des petits qui vont commencer à faire, par exemple, du céréal ancien, comme on le faisait à l'ancienne, sur des plus petites surfaces. Mmh. Et des petits fruits et des légumes de maraîchage, qui est une performance physique, parce que ça veut dire qu'on se retrouve souvent à quatre pattes à faire des légumes, dans votre métier. On n'est pas au volant du tracteur, quoi. Non, mais à quatre pattes, pas forcément. Non, mais debout un peu penché, quand même. Mais on va dire à la main. Je voudrais faire réagir Christophe Adikas, vous êtes consommateur aussi avant d'être chef. Ça vous interpelle, ce genre de démarche? Ça vous fait réfléchir aussi à notre avenir agricole? Et d'abord, quelle vision vous portez sur l'agriculture aujourd'hui en 2016, Christophe Adikas? Écoutez, moi, d'abord, je travaille avec Thibaut. Hein, ouais. Ça a d'abord été une rencontre. C'est vrai que... moi, je suis un convaincu de ça, étant donné que un chef est toujours le garant de ses produits. Et donc, un gars comme Thibaut, c'est beaucoup d'échanges, c'est une rencontre. Le temps, on va passer 3 heures ensemble à discuter, à partager, etc. Il m'a donné de l'ail, des petites gousses d'ail comme ça, extraordinaires. C'est d'un goût et d'une finesse géniale. Il vous a fait découvrir des aliments. Ah oui, c'est petit ail. Moi, je le mets avec des gnocchis au restaurant, avec des moules et des tomates de son jardin. C'est génial. Wow. Et c'est des petites gousses d'ail. Regardez. Bah, et qu'est-ce qu'il a amené, il vient d'où, voilà, cet ail? De son potager. Oui, non, mais il a une origine particulière, Thibaut Walkers. C'est une variété qui s'appelle Rose de Drôme. Voilà. C'est donc une variété qui résiste au froid. Ouais. Comme ici. On n'est pas à rendez-vous galant après. Hein, parce que... Vous savez quoi, on s'en fout. Ici, on n'a pas un été où une lumière chaleur assez forte pour faire pousser un ail comme dans le sud. Donc un rose de Drôme, c'est pas mal parce qu'il résiste au froid. On le plante et on le fait attendre l'hiver. Et puis après, il fait une croissance magnifique. Lui, c'est un battant, puisqu'il a affronté un des pires printemps-été enregistré depuis 40 ans. Ouais. Avec plein de flotte. Il est délicieux, il a été... Carlo, vous avez testé ? C'est pas trop fort. Il est doux ? C'est tout à fait délicat. Il est complexe. T'as une petite pointe de piquant et qui tout de suite s'amenuise et c'est un parfum d'ail. C'est délicieux et on imagine de consommer ça cru, effectivement. Ouais. Mais donc, ça c'est déjà un point très très positif, c'est qu'en renouant avec ces démarches-là et ces maraîchers-là, on peut découvrir des produits qu'on ne connaît pas forcément. Mais quel est le regard, Christophe Diquet, je rappelle que vous êtes le chef étoilé du restaurant Bonbon en région bruxelloise. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur l'alimentation en 2016? On parle toujours de malbouffe, de produits industriels, de produits du bout du monde. Tout ça, ça vous fait quoi comme impression? Moi, je pense qu'il y a personnellement un gros effort qui est fait aujourd'hui. Ouais. On sent qu'il y a un renouveau sur la traçabilité des produits. Mmh. Et un chef a besoin de traçabilité. Donc, honnêtement, un chef qui aime son métier a besoin de savoir d'où ses produits viennent. On a du mal à, quelque part, à être en accord avec soi-même et être le garant de sa qualité si on n'a pas des personnes comme Thibaut qui font des produits extraordinaires. Je prends Thibaut, mais il y a plein d'autres personnes qui font des choses fantastiques. Et c'est aujourd'hui, il est temps de mettre ces personnes en avant, bien avant la grosse production et la grosse... Moi, je suis évidemment, je ne suis pas en accord du tout avec ces grosses productions. Donc, je travaille toujours avec des petits producteurs, et ces gens, j'ai envie qu'ils gagnent leur vie décemment, qu'ils puissent vivre de leur métier. Ouais. Pour moi, c'est très important qu'un pêcheur de la mer du Nord vive décemment de son travail, que Thibault vive décemment de son travail. On ne veut pas des salaires de CEO de grosses entreprises, mais on veut pouvoir... C'est la même chose pour vous, Christophe. C'est la même chose pour moi. Vous avez beau diriger un restaurant doublement étoilé, si vous ne faites que votre restaurant et si vous avez du personnel, vous arrivez à vous verser, j'imagine, un salaire décent, mais vous n'allez pas avoir un salaire de CEO de grande entreprise. Pas du tout, absolument pas. Mais il est important que, aussi que... Et vous travaillez 80 heures par semaine. 80 heures par semaine, au moins. 24 membres de personnel pour 40 couverts et des produits exceptionnels. Donc c'est vrai qu'on dit bonbon c'est cher, mais entre nous, quand on a fait le calcul... Bon, on est quand même sur de l'étoilé. Hein, exactement, oui, bien sûr. Très différent. Claude nous envoie un message assez long, donc je vais essayer de le raccourcir, mais en gros, il nous dit qu'il salue cette nouvelle génération qui met un grand coup de pied à ce système qui a vraiment perdu la boule, pour le coup. Il sait que votre parcours ne sera pas forcément facile, mais il va vous encourager. Il essaye, lui aussi, de faire un petit peu de prosélytisme autour de lui pour faire venir de plus en plus d'amis, de connaissances vers ce genre de démarche maraîchère. Donc voilà, ça bouge et c'est bien. Et Claude nous dit qu'il a 84 ans, donc c'est très très chouette. Et comme quoi, il est très jeune, Claude. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai. Évidemment. Il y a un moment, on se dit que... C'est vrai qu'on parle souvent dans cette émission, Carlo, il y a la jeunesse qui délaisse ses métiers de l'agriculture, qui ne reprennent pas forcément les exploitations des parents. Et à côté de ça, on voit qu'il y a de nouvelles démarches de cette jeunesse. Hein. On a reçu quelques-uns, des reconvertis, des jeunes. Et effectivement, je pense que, en tout cas dans le milieu agricole, qui est un milieu, on va mettre des guillemets, mais on le voit notamment en France, un milieu plutôt un petit peu conservateur, on le voit souvent dans le milieu du vin, etc. Et souvent, le renouveau vient d'une jeune génération qui adhère aux objectifs, aux valeurs de ce qu'on appelle, pour faire simple, l'agriculture paysanne, qui est une agriculture où l'humain qui le fait est au centre du processus, et aussi le client qui achète. Jean-Pierre nous dit être fils d'agriculteurs qui étaient des agriculteurs en conventionnel, il n'a pas repris l'exploitation familiale. En revanche, son fils se relance dans l'activité. Il est en pleine reconversion en bio et voilà. Génial. C'est chouette, quoi. C'est des beaux projets quand même. Hein. Thibault a juste 25 ans d'avance. Voilà, exactement. Alors, vous êtes venu ce matin, Thibault. Vous êtes tartine, Sophie, je vous le fais une tartine. Oui, je veux bien. Vous êtes venu avec quelques cultures du jour et de saison, parce qu'on le rappelle, les légumes ont une saison. Ben oui, on avait oublié. Les tomates, on en a parlé il y a deux semaines, je pense, ou la semaine dernière. C'est la belle saison. Vous, c'est sous serre, hein, sous tunnel, hein, parce qu'en Belgique, c'est trop humide que pour avoir des cultures sans mildiou. Alors, vous êtes venu avec un panier, mais exceptionnel. Racontez-nous, qu'est-ce que vous cultivez, Thibault Alkiers? Voilà, ben je cultive un peu de tout, mais là, effectivement, je me suis dit, je vais venir avec des tomates. Là, je goûte un morceau de pain. On a une heure. Je goûte un morceau de pain avec juste de la tomate écrasée, un peu de fleur de sel. Voilà. Et il y a un peu d'huile, il y a un peu d'huile d'olive. C'est exceptionnel. Tout petit peu d'huile d'olive. C'est exceptionnel. Alors ça, c'est des tomates, en fait, que j'ai laissées sur le plan deux jours de trop. Oui. C'est ça. Et donc elles sont hier, elles ont un peu confit à l'intérieur. C'est fantastique. Au milieu de la serre, à peu près en plein milieu de la serre. Et c'est ça qui donne cette impression, parce que souvent on me pose la question, oui mais en Belgique, ok, il y a des bonnes tomates, mais quand même on n'a pas des tomates comme dans le sud. Bien, quand même, je trouve justement que là, on a un goût de sud. Il y a un goût de tomates, de vraies tomates de Provence, parce qu'ils ont de la merde aussi parfois, de vraies tomates italiennes. On se transporte vraiment dans ce... Il y a un goût de terroir du Sud, c'est assez impressionnant. Il y a un petit secret aussi. Ah ok, il ne faut pas tout dire. Vous leur parlez. Tu vas le dire. Voilà, oui. Non mais déjà je prépare les sols avec du compost organique, et donc tout est vivant. Il y a de la petite bête dans un compost qui a travaillé des mois et des mois. Les graines sont des graines sélectionnées sur de la graine qu'on appelle population. Donc c'est des semences anciennes. Mmh. Les plants sont faits par d'abord chez une amie qui sait gérer tous les plants au mois où il fait froid, donc en février, mars. Ensuite, moi je les mets dans la serre. Voilà, j'arrose très très peu. Je peux arroser trois fois plus, j'en vendrai trois fois plus, mais j'arrose très très peu. Donc le goût reste dans la tomate. Elle descend pour aller manger et boire avec ses racines. Elle fait le boss. Et puis, il y a une semaine formidable. Il y a deux semaines... Donc là, maintenant, cette semaine ensoleillée, c'est top pour vous. Là, on mange cette semaine de soleil. Ce sont des cristaux de lumière. Oh, qu'est-ce qu'il est poétique, oh là là. Non, mais vous savez... On croyait qu'il aurait du mal. Hein, mais non, mais là, il se dégèle, hein, tout de suite, là, il devient poète, voilà. En plus de ça, et ça se passe sur la première. Hein. Ouais. Non, mais là, Christopher Dickès, ces tomates-là, c'est... Rien qu'un morceau comme ça, c'est une explosion en bouche, quoi. Ça fait longtemps que j'avais pu manger des tomates de pleine terre belges, vraiment si goûteuse. C'est vrai que cette année, j'ai dû m'en retourner vers des tomates italiennes, etc. Mais celle-là... Non, mais là, c'est top. Hein. C'est parce que la texture aussi, c'est de la confiture de tomates. Ouais, c'est très confit. Il n'y a pas du tout de farineux, rien. Ouais. Rien. Et donc, vous avez des tomates, vous avez aussi des aromatiques. Qu'est-ce que vous cultivez, là, en ce moment, Thibaut Walkiers? Bon, j'ai regardé le maïs ce matin. Ouais. J'ai du maïs à griller, des variétés un peu... Enfin, que je ne connais pas, que je teste. J'ai des courgettes, des variétés, j'en ai pris 4 que j'aimais bien l'année passée. Mmh. J'ai des haricots, des haricots grimpants, donc l'ail, l'échalote, tout ça est récolté. Les pommes de terre sont récoltées en partie. Quel type de pommes de terre vous cultivez ? J'en ai mis qu'une, j'ai très peu de surface. J'ai mis une petite violette. Ouais. Ah, c'est bon ça. Voilà. Pour un peu tester aussi sa résistance aux maladies, parce que c'est aussi une plante très fragile, qui est en conventionnel la plus pulvérisée. Eh oui. Dieu merci, la pulvérisation est surtout en surface, donc. Mais quand même, surtout en surface. Heureusement, on ne mange pas les feuilles. Ouais. Quoi. Oui. Des patates, je veux dire. Je crois que il vaut mieux pas manger la peau de patate conventionnelle. Non. Mais bon. Non, donc sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, c'est ça. Donc vous testez, vous expérimentez. Voilà, donc c'est un petit jardin potager qui est ouvert au public. Hein. Bon, en général, en ce moment, c'est évidemment les gens de votre région. Vous êtes sur l'Anne, en Brabant Wallon. Hein. Voilà. Pas mal de chefs aujourd'hui qui s'intéressent à ce que vous faites et qui se fournissent en légumes chez vous. Et vous faites aussi de la sève de bouleau, donc c'est plutôt sortir de l'hiver, j'imagine. Parfaitement. Voilà, donc c'est un produit dont on a déjà parlé dans cette émission, un nectar santé incroyable, vous vendez ça en bouteille et voilà, et après on est bon, on est beau, on est fort et on a tout plein change, de santé. Tout change. C'est comme si vous mangez du kale à midi et le soir buvez de la sève de bouleau le lendemain. Et écoutez, bientôt à table la première. Voilà. Il est 11h32, les amis, un petit peu de pub et juste après nous parlerons du terroir du chef Christopher Dickest. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 13h, le grand oral RTBF le soir, Jacques Crémers. Pour son numéro de rentrée, le grand oral a invité le recteur élu de l'ULB, Yvon Angler. Il sera question des études de médecine, de la politique francophone pour les universités, de leur rôle dans le monde d'aujourd'hui. Le grand oral qui revient dans une nouvelle formule à découvrir ce week-end. Le grand oral RTBF le soir, de 13h à 14h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be. Ovio. La première présente les Brussels Stefex Masters. Les meilleurs cavaliers et chevaux du monde sautent aux portes de Bruxelles en cette fin d'été aux Brussels Stefex Masters. Venez soutenir les Belges face aux cavaliers internationaux dont Lucie Davis, vainqueur l'an dernier. Brussels Stefex Masters à Wolvertem du 31 août au 4 septembre. Entrée gratuite. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. T'es prêt? Ouais, alors c'est bleu et on peut y mettre tout pour la rentrée. Allez, c'est pas difficile. Ah oui, et ça se met sur le dos. Oui. Je vois pas, non. C'est le sac de la rentrée. Chez Deleuze, ce samedi 27 août, à l'achat de minimum 50 euros, vous recevrez un chouette sac à dos Mer du Nord gratuit. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. La région de Bruxelles-Capitale, la première et la 3 présentent la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD. Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre. Avec la ville de Bruxelles et le soir. Maman, tu l'as? Tu l'as pas oublié? Mais non, Arthur, voilà ton calendrier des écoliers. Oh, un concours! Ah bon? Dessine une affiche sur les conseils de sécurité aux abords des voies de chemin de fer. On l'a fait ensemble? Bien sûr, mon cœur. Le calendrier des écoliers d'Infrabel, c'est ce mercredi 31 août dans la librairie LADH. Et pour plus d'infos sur le concours, file sur infrabel.be. Le bois du casier a marqué l'histoire. Reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO, le site vous conduit tout en émotion à la rencontre de ceux et de celles qui ont fait la Wallonie. Le Bois du Casier, le passé présent pour le futur. www.leboisducasier.be. Avec la première et la une. La province de Liège, la Une et la Première présente Debout Citoyens. Rendez-vous le samedi 10 septembre, place Saint-Lambert. Au programme, le beau vélo de Ravel, concert gratuit d'Alice on the Roof, de Suarez et de l'Opéra Royal de Wallonie au grand complet. Rassemblons-nous pour vivre ensemble cette journée citoyenne. Plus d'infos, deboutcitoyens.be. Deboutcitoyens.be. La Première et Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. 11h midi. Bientôt à table sur la Première. Avec Sophie Mousse. Ben c'est l'heure de l'apéritif et qu'est-ce qu'on fait pendant l'heure de l'apéritif, Carlo? Mais on mange. Vous prépare une petite tartine à l'ail, Sophie. Voilà. Non, merci. Allez. Alors, les amis, si vous venez de nous rejoindre, ben, je vous rappelle que nous avons fait la rencontre d'un maraîcher formidable. Il s'appelle Thibaut Walkiers. Il sévit en Brabant wallon, à Lannes. Il, à la faveur d'une petite parcelle de 20 tares et d'un beau morceau de forêt, notre gaillard cultive de bons légumes de saison avec amour, passion. Et puis, les consommateurs sont de plus en plus nombreux au rendez-vous et c'est très, très bien. À vos côtés, Thibaut, le chef Christophe Hardiquès, chef étoilé, bruxellois, incontournable évidemment. Christophe, on vous a déjà souvent reçu dans cette émission. La nouveauté pour cette rentrée, c'est un grand projet qui va être présenté, et nous on l'a en primeur la semaine prochaine, au monde, on peut le dire. Ça s'appelle Brussels From Two. Un projet, vous me le disiez, pour réhabiliter le terroir bruxellois sur les tables de la gastronomie. En fait, vous en avez marre de cette globalisation dans nos assiettes, vous me le disiez. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est un peu une constatation. Moi aussi, je suis consommateur et je fais par passion, je fais des tables dans le monde entier, quand je voyage, etc. Et si vous voulez, c'est une constatation, on ouvre une carte aujourd'hui d'un 2 ou un 3 étoiles Michelin, et on retombe toujours sur ce wagyu japonais, ouais, hein, qu'on revoit partout dans le monde, ouais. et on revoit ce king crab qu'on voit partout dans le monde, on revoit des produits comme le homard, c'est génial, hein, le foie gras, etc. Et on remarque que, en fait, on mange les mêmes produits dans tous les pays du monde. Hein, c'est la New York. Rungis. Voilà. Ouais. De New York à bon. Paris, à Londres, c'est bon. À Bruxelles, dans tous les pays du monde, on mange vraiment la même... Standardisé, quoi. Oui, ouais. Les mêmes produits, et il y a juste la touch du chef qui amène. Mmh. Et puis, à un moment donné, moi, je me dis, mais j'en ai un peu marre de ça, j'ai un peu fait le tour, et le Wagyu, il ne sera jamais aussi bon qu'au Japon. Mmh. Hein, je ne sais pas pourquoi on s'efforce à faire du Wagyu ici, on a plein d'autres choses, et donc, des constatations, King Crab, ça vient de Scandinavie, ben, on le mange en Scandinavie, il est top, topissime. Il y a plein de choses comme ça. Et il me fallait un nouvel axe de création. Mm-hmm. Et donc, remise en question, réflexion, avec l'aide d'une amie, avec quelques copains journalistes, etc. Et je me dis, à un moment donné, j'ai été adopté par Bruxelles il y a 22 ans. Bruxelles, si on regarde Bruxelles, il y a un vrai territoire, il y a un vrai héritage culinaire, et j'ai voulu partir dans cette réflexion, en fait, ne pas laisser un peu, si vous voulez que l'héritage ne disparaisse pas, hein, les recettes ne disparaissent pas, il faut les sortir de l'ombre, il ne faut pas les mettre au musée, il ne faut pas les mettre dans un musée, parce que sinon elles disparaissent, il faut les réhabiliter à l'époque dans laquelle on vit. Et donc, je me suis dit, c'est génial, j'ai mes plats signatures, j'ai les meilleurs produits du monde, je travaille avec les meilleurs professionnels du milieu, mais je m'emmerdais, je commençais à m'emmerder et je me dis, tiens, héritage bruxellois, identité, parce que en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, quand un Japonais vient de Tokyo, je mangeais chez moi, chez nous. Voilà, ouais. Qui ne mange pas du wagyu chez Bonbon. Exactement. Mais par exemple, puisqu'on parle de la viande, vous cuisinez quel type de viande? Aujourd'hui... En belge, bon, on a l'incontournable blanc, bleu, belge, j'imagine que ça... Non, ça, je ne travaille pas avec ça. Mais on a des éleveurs aujourd'hui qui développent vraiment des filières. Il y a la rouge des Flandres, voilà, qui est très connue, ouais, qui a déjà été mise en avant, bien sûr. Exemple, ouais. Je reste, par exemple, la viande. Aujourd'hui, je suis sur le lapin. Ah, voilà. Voilà. Donc, du lapin belge. Du lapin français parce que le lapin belge. Ah ouais, belge, mais attendez. Non, mais je ne parle pas de locavore 100%. Non. Je parle de sélection de produits. Moi, ouais. Ce qu'il faut, c'est trouver un lapin qui n'a pas d'antibiotiques. C'est ça. D'accord. Et le lapin lagueus, qu'est-ce que j'en ai fait? Lapin lagueus, c'est cuit habituellement. Et bien là, je le fais en tartare. Je fais un tartare de lapin. Un tartare de lapin. À lagueus cantillon, avec de l'huile de colza. Et la recette fait un carton. Acide, amer, frais. C'est génial. Gueuse cantillon. Ouais. Voilà, c'est génial. Emblématique de notre patrimoine. Et donc, voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ça fait 8 mois que je vais voir la tête. J'ai servi ça hier, les gens ont adoré. Des gens c'est un tartare de lapin, c'est cru. Oui, et c'est une viande saine, à partir du moment où il n'y a pas d'antibiotiques. Ouais. Donc tout ça, c'est aussi la traçabilité, on en discutait tout à l'heure. Aujourd'hui, ça fait 8 mois que je travaille, que j'étudie. Et j'ai demandé à un copain journaliste de faire un travail sur l'héritage bruxellois, des gens qui connaissent très bien leur métier de chroniqueur, etc., qui connaissent très bien le territoire bruxellois. Je travaille dans des lectures de Gaston Clément. Voilà, exactement. Donc j'ai amené un bouquin. Auteur prolifique qui a beaucoup écrit sur notre terroir. Exactement. C'est pas le cuisinier du roi Léopold II. Hein, exactement, ouais. Tout à fait. Et puis il a eu son établissement aussi, le filet de sol ici à Bruxelles, je pense. C'est vraiment quelqu'un qui a fait un vrai travail sur l'héritage de la Belgique, mais en priorité sur Bruxelles et le Brabant wallon. Et donc, je vais, moi, puiser là-dedans, dans ces recettes, et je les réadapte au goût du jour. Donc, je travaille sur un oiseau sans tête aujourd'hui. Ouais. Donc, l'oiseau sans tête, c'est vraiment un truc bruxello-bruxellois. Oui, bien sûr, oui, avec ses influences, parce que Bruxelles n'est quand même qu'une ville influencée de partout. Mais on avait quand même à l'époque le Vismet à Bruxelles. Donc, il y avait quand même beaucoup de poissons. Donc, on a fait quoi? On est en train de revisiter la caricole, et je fais un ravioli de caricole, complètement revisité avec une vraie farce goûteuse, un oiseau sans tête, je retravaille des carbonates avec une joue de bœuf, de bœuf, mais carbonate ça veut dire charbon, donc j'ai fait un charbon végétal autour de la viande, et je modernise complètement les recettes. Avec les techniques culinaires actuelles. Exactement. Donc en fait vous nous prouvez qu'une carbonade à la flamande peut devenir gastronomique dans sa manière d'être repensée, cuite, etc. Donc c'est ça qui est exceptionnel, c'est vraiment formidable. Parce qu'on se dirait a priori un étoilé un plat de carbonade, ça peut peut-être pas le faire. Oui, mais et là vous prouvez le contraire. Il y a toujours moyen de... On a déjà reçu Pierre Wainans dans cette émission. Lui aussi, il disait que quand on fait de la gastronomie, on peut quand même plonger ses racines dans ce qu'on fait. Je fais une petite digression de 10 secondes. Je suis allé au mois de novembre dernier chez Eston Blumenthal à Londres, dans son deuxième restaurant. Et c'est le but de ce restaurant, c'est de prendre des recettes du patrimoine anglais du 13e jusqu'au 20e siècle et de les revisiter, entre guillemets, et en partant de ça, il fait des explosions de saveurs. Donc je suis très, très, très curieux de goûter la cuisine de Christophe et le développement de ce qu'il va faire à partir du patrimoine bruxellois. Patrimoine bruxellois dont, à Bruxelles, on oublie d'être fiers. André, vous envoie un message, Christophe. Vous êtes un grand monsieur. Bravo, bravo, vous faites briller notre beau pays. Ben, c'est vrai. C'est vrai, on est un peu complexé en tant que Belge. On se dit, bon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à manger et tout. Et en fait, vous nous prouvez tout le contraire. Et même mieux, vous prouvez que ça peut faire partie de la grande gastronomie. On va parler de ces produits que vous avez voulu remettre sur le devant de votre carte. Juste après France Gall, on va s'offrir un petit peu de musique. Il y a du soleil à vendre. Et là, plein, plein, plein tout le week-end. Ça tape. C'est la belle vie. C'est comme du feu, il leur fait tourner la tête. Une petite métisse balançant sa jupe à travers les passants se glisse et crie comme une perruche. Y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Elle est danse sa jeunesse, chante la folie, la chaleur de l'été la berce et la brûle comme un fruit. Presque femme, encore enfant, ange ou bien démon, elle avance en se balançant, que veut dire sa chanson? Y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais Y'a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Ah, il y a du soleil, Carlo. Mais c'est encore l'été, parce que lundi, métro, boulot, dodo, patron, problème, facture. Mais non. Je sens qu'on va bien manger ce week-end. Mais non, et qu'on va bien boire. Et qu'on va profiter de la vie. Parce moi, qu'on je vais est finir vivant. Ma tomate. Et tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Ben oui, oui. Tout va bien. Tout va bien. Christophe Hardiquès, notre chef du jour. 2 étoiles, bonbons en région bruxelloise. 19,5 sur 20 au Gomio. Rien que ça, vous êtes donc à l'origine de ce grand projet Brussels From To pour ainsi remettre les produits de notre terroir bruxellois et les recettes revues et revisitées à la manière gastronomique. Pas mal de questions nous parviennent au niveau de vos recettes, mais je voudrais juste savoir quels sont les produits que vous remettez comme ça à l'honneur. Au niveau fromage, il y a le fromage de Bercel par exemple. Oui, fromage blanc de Bercel. Ouais. Ben ça, c'est vrai que ça dure. Oui, je travaille ça depuis très très longtemps évidemment. Et j'en fais un Fontainebleau, je le travaille fumé. Par exemple, on remet aussi une volaille, le coucou de Malines. Ouais. On l'appelait la poularde de Bruxelles à l'époque. Ouais. Le coucou de Malines. Et les Bruxellois, on les appelait les baffreurs de volaille à l'époque. Ouais. Les kickfretters. Kickfretters. Et donc, nous avons créé une recette qui va s'appeler le poulet kickfretters. Ouais. Et donc, sur le poulet, je travaille toutes les parties du poulet. Et on pourra l'avoir au déjeuner. Donc, on vient manger ça. Mais on mange le suprême, on mange les gésiers, le foie, les peaux, l'aile. On fait une quenelle avec le bas les de pâtes. La cuisse, le solilès, les pâtes, non, la crête. La crête. Non, pas les pâtes encore, mais. Et ben donc, on peut manger les pâtes au poulet. Bien sûr, en Asie, on le fait beaucoup. Il faudra que je voyage encore un petit peu, et à mon avis, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, donc, on va rechercher le lapin, on travaille l'anguille au vert, qu'on a complètement modernisé, qu'on sert avec un cannoli de consommé de queue de bœuf, et un jus de tomate verte, justement, assaisonné d'huile herbacée. Donc, on modernise comme ça plein de recettes. On veut les rendre plus légères, on veut les amener en 2016. Christophe qui nous demande, et la frite dans tout ça? Oui. Ah alors, bah tiens. Eh bien, la frite, on a fait un complet bruxellois. Le complet bruxellois, c'est moule pas frite. Compliqué. C'est une moule frite avec une bière. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai fait une frite qui va grandir d'un demi centimètre chaque année par une technique que j'ai mis au point. Est-ce que vous fumez, non, chef? Non, j'ai arrêté de fumer il y a 6 ans. Ou reprendre, peut-être. Qu'est-ce que vous racontez? Donc, une frite qui s'allonge. Oui, une frite qui va grandir d'un demi centimètre chaque année avec beaucoup. Une mayonnaise de moule. Hein, une mayonnaise attendez, de moule attendez, et une petite bière. Attendez, voilà. Les amis, n'ayez pas peur. Non. Normalement, tout est sous contrôle. Je ne comprends rien. C'est-à-dire que j'ai mis une technique au point pour choisir la longueur de la frite que je souhaite. Voilà. Et donc, ça, c'est la réflexion culinaire et l'époque actuelle, le travail avec les outils actuels. Mmh. Et donc, ma frite va grandir d'un demi centimètre chaque année pour, à un moment donné, atteindre peut-être 20 centimètres. Elle fait déjà 15 centimètres. Risque d'avoir un décideur. On va isoler le son et je pense qu'on a notre bêtisier pour la fin de l'année. Non, c'est pas une blague. Donc, on risque d'un jour venir s'asseoir chez Bonbon et de trouver une frite de 25 centimètres dans notre assiette. Parce qu'on a travaillé sur la cuisson. On a travaillé sur la cuisson et on a travaillé pour l'avoir croustillante, qu'elle maintienne son croustillant. Manger de la tomate, Christophe. Et voilà, et donc on s'amuse. En fait, le but de cette démarche aussi, c'est de s'amuser. Oui. Et c'est d'avoir de l'humour. En tout cas, voilà. De l'humour. Là, pour le coup, vous mettez un bon coup de balai dans notre petite tradition avec notre belle assiette de frites mayo. Bien sûr, mais vous la goûterez, vous viendrez la goûter avec une mayonnaise de moule. Donc je fais une mayonnaise à base de moule hachée et du jus de moule, et qui est top, on vient la mettre. Voilà. Alors là, vous allez me donner la recette tout de suite. Donc, ce truc mayonnaise de moule. Mayonnaise de moule, on cuit les moules, on ouvre les moules à la marinière avec un peu de vin blanc, on fait réduire le jus, on fait une mayonnaise de base, on incorpore le jus de moule dans la mayonnaise de base et des moules hachés. Un peu de persil. Attendez, mais donnez-nous vraiment les proportions pour qu'on... Oh, écoutez, ça va être un peu compliqué, mais... Allez, pour 4 personnes. Non, mais... Allez. 4 personnes. Prenez 100 grammes de mayonnaise, mais faites maison bien serrée. Ouais, bien serrée. Ajoutez-y 15% de jus de moule. Voilà, 15% de jus de moule dans cette quantité de mayonnaise, d'accord, pour avoir assez bien réduit. Un peu de jus de citron. et plus ou moins, je dirais, 35 grammes d'huîtres hachées, de moules hachées. Avec un peu de persil. Voilà. Alors, beaucoup de moules et ça atteint les 20 cm. Voilà. Pardon. Oh là là. Voilà. Que dire ? Je vais rentrer chez moi. Non, c'est très bien. Je suis ravi. Alors, j'ai juste une question, Christophe. Donc, ça va être un développement dans le restaurant, ce genre de recettes, ou ça va être des événements. Plic-ploc, comment on dit. C'est ce qui était important aussi dans cette démarche, c'est d'exporter un peu le territoire bruxellois, le savoir-faire bruxellois à travers d'autres chefs. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir un regard étranger sur Bruxelles. Et donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de faire venir des chefs de l'étranger, et notamment au premier repas, ce sera un repas avec Inaki Espitard du Châteaubriand à Paris, et Leonardo Pereira qui est un ex-cuisinier de chez René Redzepi, de chez Noma. Et donc ces chefs-là vont intégrer le patrimoine que vous avez développé, revisité, ils vont y apporter leur vision. On va cuisiner assis sur la vision du territoire. Donc, du territoire. Vous allez leur envoyer, leur dire, voilà, il faudra des moules, il faudra du lapin, il faudra ce en genre dessert, de en dessert, on fait chacun notre gaufre revisité. Voilà, okay. On va travailler un fromage à trois. Je leur ai imposé une anguille au vert, un lapin à la gueuse, du fromage blanc de Bercelles. Et ils choisissent. Et puis après, ils vont réinterpréter ça avec leur vision de la cuisine et avec leur expertise. Et c'est ça qui est très intéressant parce que, à mon avis, on va pouvoir en tirer certaines choses et on va faire connaître nos produits un peu plus à l'étranger. Michel voudrait avoir votre fameuse recette de gnocchi aux moules. Parce que c'est vrai que c'est un beau week-end qui se profile. Les moules, là, pour l'instant, on en a plein. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça, chef ? Eh bien, écoutez, donc les gnocchis sont... c'est une inspiration entre la tradition française et italienne, mais... Est-ce qu'on peut les acheter toutes faites, ces gnocchis ? Oui, bien sûr, mais enfin, c'est souvent très lourd. C'est souvent très lourd. Et moi, nous, on les fait nous-mêmes, mais on les fait à la fécule de pommes de terre et pas à la farine, ce qui allège complètement la texture du gnocchi. On les plonge dans l'eau bouillante. Ensuite, on fait bouillir un petit peu de jus de moule, de cuisson de moule avec un peu de crème, comme une panna cotta. Vous n'allez pas me contredire, n'est-ce pas, Carlo? Non. La panna cotta. Et alors, on va rouler. Donc, il faut mettre de la gélatine pour faire prendre. Quand on dit panna cotta, j'utilise le terme panna cotta parce que ça veut dire crème bouillie. Hein, mais je ne fais pas une panna cotta froide. Je fais bouillir la crème avec le jus de moule. Donc, jus de moule, crème fraîche. Voilà. Quelle proportion, plus ou moins? C'est 20 grammes de jus de moule pour 30 grammes de crème. Plus ou moins. Entière, la crème fraîche. Oui, tout à fait. Faut pas qu'on sente la lourdeur de la crème. Elle doit donner l'onctuosité. Exactement. Donc, jus de moule, crème, ensuite. On a pré-cuit les gnocchis, on les roule dans cette panna cotta réduite. Dans une poêle, tout à fait. Et on y met une ou deux moules en garniture. Oui. J'y ai mis les petites gousses d'ail de Thibaut, son ail de la Drôme, qui est génial et qui amène un petit peu de relief. Du basilic frais. Et une salade de tomates de Thibaut pour accompagner le tout. Un petit concassé. Fatigué avec un peu d'huile d'olive. Mais cela dit, si on n'a pas gnocchi, on pourrait utiliser des pâtes normales. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais j'aime bien l'idée. Jus de moule, crème fraîche, quelques petites moules, tomates, peut-être même un petit peu de ciboulette, non ? Par exemple, on est libre de faire ce que l'on veut. Mais ce qui est important, c'est que la crème, on ne doit pas la sentir. Hein, d'accord, ça, c'est très important. La crème, ça prolonge la saveur des choses, mais elle doit toujours être discrète parce que, en fait, à un moment donné, ça peut devenir super écœurant. C'est tout l'art du cuisinier, c'est le bon dosage, évidemment. Voilà, tout à fait. Il y a encore un produit dont je voulais parler, parce que vous êtes venu ce matin avec un craquelin, donc ce fameux petit pain brioché sucré avec des petites perles de sucre. C'est typiquement bruxellois, ça. Oui, c'est belge. Je pensais que c'était plutôt le cramique, moi. Oui, ben voilà, mais je fais du cramique, je fais des essais, en fait, de cramique et de craquelin, parce que j'ai envie, à un moment donné, de pouvoir servir ça même, ou faire un pain perdu avec ce produit, même un pain perdu, plutôt que de mettre ça dans le lait, c'est de tremper ça dans la bière, et de faire un pain perdu à la bière caramélisée, par exemple. Donc, attendez, je coupe une belle tranche de ce craquelin. Voilà. Ensuite, je trempe dans de la bière. Par exemple. Type. Je commence seulement les essais, donc je réfléchis. Une bière blonde, j'imagine. Ça peut être une bière brune parce qu'il y a un peu de caramel comme ça dedans, Crique mais pas trop longtemps, ou une crique. par exemple. Ah ouais. Voilà. Et donc faire un pain perdu. Et puis dans l'œuf. Dans l'œuf. Ah et ouais. Puis vous poêlez, vous caramélisez. Et là, moi je fais bien de faire cette émission, parce que j'en apprends chaque semaine. Voilà. Mais là, on réfléchit là-dessus, par exemple. Payé pour faire ça. Demain matin. Ah oui, non, demain matin, je suis en direct ici pour vous faire des œufs en direct. Ah oui, vous vouliez pas une plaque de cuisson, tiens. Oui, mais j'ai trouvé la mienne. Ah bah ça va. Je vous laisse le craquelin. Craquelin, c'est pas mal. Craquelin version pain perdu. Oui. Donc le jour où il est un peu dur, on le recycle, quoi. Il faut pas attendre. Hein. Voilà. Et puis surtout, ouais. c'est une gourmandise, quoi. Donc exactement. On pourrait peut-être envisager de voilà. Je sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de réhabiliter ce style de recette. Ouais. Et certainement, surtout de travailler avec comme on travaille avec une fermentation. Hein, on fait un espèce de petit levain à base de miel et d'une base de pouliche, de levure, et on fait un peu comme un panettone aussi, parce que les vrais panettones sont faits comme... C'est levé plusieurs fois, voilà. le panettone. Tout à fait. Et mon idée, c'est de faire vraiment, de réhabiliter des produits de chez nous. Voilà, comment réhabiliter bien ce qu'on fait de mieux chez nous en Belgique? Eh bien, on en a une belle, belle démonstration. Aujourd'hui, avec Christophe Hardiquet, il y aura donc des dîners à six mains, hein, puisque vous en serez aussi avec des chefs étrangers pour justement faire briller ce patrimoine culinaire. Je vous propose de mettre toutes les infos sur notre page Facebook. Vous êtes très nombreux à agir aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur le site lapremière.be évidemment. Janine vous envoie un petit message. Thibaut, notre maraîcher du jour. Thibaut, je te sers sur tout mon cœur. Tu es en vraie communion avec la nature. Janine, 74 ans. C'est pas beau ça? Merci Janine. Voilà, voilà Carlo, on Sophie. Se retrouve la semaine prochaine. Nous parlerons d'un gars qui a créé un potager chez lui à la maison et il nourrit toute sa famille. Voilà. L'autarcie culinaire. Et nous parlerons de potager sur des toits à Bruxelles. On parlera de bonne bière. Et on va se quitter sur quelques notes de Toots, que je salue, qui est un gars absolument adorable, qui est un grand gourmand de la vie, de la musique, qui aimait la bonne chair, la bonne bouffe, et je l'embrasse de tout mon cœur parce que c'est une des rencontres les plus inspirantes de ma vie. C'est un gars que j'embrasse et là-bas, voilà. Toots, pour nous quitter, dans quelques minutes, c'est les infos, la météo. Et transversale, ça revient. La première voilà. de la saison. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine, demain matin, pour les plus matinaux d'entre vous, dès 7h. La première. Dis le vos ou Elements. Écoute une fois. Ça, c'est un grillon mâle qui cherche une femelle, vieux. Juste. Et ça? Ah, mais ça, c'est une grillante qui cherche un bernesse. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillante? Oui, grillon. Oui. La bernesse qui donne du goût aux grillantes. La voilà. De vos Elements. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. Vabona, votre arme contre les insectes. Aujourd'hui, on peut tout faire en moins de 2 minutes. Moi, en 2 minutes, j'ai inscrit Thomas au foot, rencontré la nouvelle copine de Jules et demandé à Chloé de ranger sa chambre au moins 15 fois. La STIB prend votre temps au sérieux. Grâce aux automates Go, renouvelez l'abonnement scolaire de vos enfants en moins de 2 minutes. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. La première présente BIP 2016, la biennale de l'image possible. Des artistes d'aujourd'hui réinventent les images d'aujourd'hui. Art visuel, photographie et vidéo contemporaine, 12 expositions, plus de 30 artistes belges et internationaux. Jusqu'au 16 octobre à Liège. Info bip-liège.org. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la ville et la province de Liège. Bonjour, c'est Béa Ercolini, rédactrice en chef de Elle Belgique. Le spécial mode est sorti avec les adresses belges et tous ces petits détails qui permettent d'actualiser sa garde-robe sans couler son budget. Et pour commencer, on a réduit le prix du magazine. Ok, il n'y a pas que la mode dans la vie. Elle Belgique, c'est un regard féminin et décalé sur l'actualité. Elle Belgique, très elle, très belge. Très mode aussi. La Une présente le Vau Rire, le Festival international du rire de Liège. Du 20 au 23 octobre, 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, Le Boop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vaurire.be, avec le soutien de la première. Comment bien manger? Quand le soleil arrive à l'improviste. En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer de délicieuses chipolatas fraîches. À griller délicatement. En effet, et jusqu'au 31 août, profitez de 20% de réduction sur toutes nos chipolatas. Deleuze, bien acheté, bien mangé. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. La première. Météo. Très bonne journée à tous. Prudence, dans le courant de l'après-midi, des orages de chaleur pourraient se former localement et entraîner de fortes pluies orageuses. Les températures seront, elles, semblables à ce que l'on a connu hier, avec une trentaine de degrés attendus sur l'ensemble du territoire, voire même 33 à 34 degrés sur la province du Hainaut. Le risque d'averse va s'estomper rapidement dans le courant de la soirée et laisser place à une nuit globalement peu nuageuse. Les températures minimales seront particulièrement élevées puisque l'on attend une vingtaine de degrés sur l'ensemble du pays. Vabona, votre arme contre les insectes. La première. Bon appétit, il est midi. Les infos, Rislaine Kounda. Bonjour à tous. Les derniers adieux à toute Stillemans depuis ce matin, 11h, en l'église de la Hulpe, dans le Brabant wallon. Au moins 700 personnes sont venues assister à la cérémonie funéraire. Et pour ceux qui n'ont pas de place dans l'église, ceux-là ont pu écouter l'office sur un écran géant installé sur le parvis. Un parvis recouvert de fleurs. Parmi les personnes venues rendre un hommage, de nombreuses personnalités, des musiciens, le Premier ministre Charles Michel et aussi le prince Laurent. Et puis d'autres anonymes qui aimaient toutes, tout simplement. Je viens de Genneval. Je voulais honorer sa mémoire et toute sa vie parce qu'il a donné. Il a donné aux autres et voilà. Donc, donner, être présent et honorer sa vie parce que j'ai été le voir 4-5 fois en concert, notamment à la Hulpe il y a 2 ans avec Thomas Dutronc. Je voulais honorer ce qu'il nous a donné. C'est une double occasion pour moi car je suis un Lahulpois de naissance. J'ai vécu ici toute ma jeunesse, mon enfance, mais j'ai toujours beaucoup admiré ce personnage, quoi. C'est un personnage hors norme qu'on ne fait plus actuellement. Je viens de Verviers, j'habite à Verviers. Donc je suis venu ce matin très tôt pour assister à cela. Bruno Castellucci, vous étiez un ami très proche de toutes, un de ses collègues. Vous allez jouer aujourd'hui, c'est important de marquer le coup avec un morceau live. On va en jouer plusieurs, avec Philippe Catherine aussi et Kenny Werner qui est rentré de New York. Et voilà, enfin, c'est un bouquin qui se termine, une encyclopédie, voilà. Des propos recueillis par Jean-Claude Hénuit et Anne-Carole Severne. Hommage aussi aux victimes du séisme en Italie en ce jour de deuil national. Le bilan de la catastrophe s'élève maintenant à 284 victimes. À Amatrice, où la secousse a été la plus meurtrière, les secouristes ont encore extrait 3 corps des décombres cette nuit. Mais leur travail est rendu plus difficile à cause des multiples répliques. Plus de 1300 ont été enregistrés depuis mercredi, dont une importante ce matin à l'aube. Le Japon s'engage à investir 27 milliards d'euros en Afrique sur les 3 prochaines années, dont 10 dans le développement des infrastructures. C'est ce qu'a promis le Premier ministre japonais Shinzo Abe lors d'un sommet Japon-Afrique qui se tient ce week-end à Nairobi, au Kenya. Pour finir, un mot de sport, Alison Van Hulvanck figure pour la 3e année consécutive dans le tableau final de l'US Open de tennis. La Belge avait pourtant été éliminée au 3e tour des qualifications, mais elle bénéficie du forfait d'une Américaine, Sloane Stephens, qu'elle remplace. Elle rejoint donc Janina Wickmeyer, Kirsten Flipkens et Lise Mertens dans le tableau final. Bel après-midi à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. À suivre dans les coulisses de Transversal avec Arnaud Ruissen. Ça se passe sur la première. Les Belges du bout du monde avec Adrien Jovenot. Vous connaissez des Belges qui font des merveilles à l'étranger, en culture, art de vivre, solidarité, économie ou nouvelles technologies? Faites-le nous savoir. Grâce à vous, ils décrocheront peut-être un des 5 trophées des Belges du bout du monde. Plus d'infos sur rtbf.be/trophées des Belges. Je paye moins cher, tu payes moins cher, il paye moins cher. À la rentrée, les bonnes affaires se conjuguent chez Cora. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Слава народу победителю. J'entame cette nouvelle année plein d'espoir. I will do everything in my power to save. Ce sera incontestablement le du centre droit. L'acte d'accusation est lourd. Mettez de l'ordre dans votre gouvernement, monsieur le Premier ministre. La première. Midi 13h le samedi. Transversal. Avec Olivier Nederland. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous. En guise de prélude, en quelque sorte, à la rentrée de Transversale, nous avons voulu vous faire entrer dans les coulisses de l'émission. Nous allons vous proposer un reportage réalisé à Bagdad, en Irak, en 2003, début 2003. Il y a donc 13 ans déjà, c'était juste avant l'intervention américaine. Un reportage qui va vous emmener, vous ramener d'une certaine manière, rue Rachid, au cœur de la capitale irakienne. Dans quel contexte ce reportage a-t-il été réalisé ? Comment ce reportage a-t-il été réalisé ? Nous entrons donc dans les coulisses dans un petit instant. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour l'émission Transversale. Transversale sur la première. Et pour entrer dans les coulisses d'un reportage, et de ce reportage en particulier, réalisé donc en Irak, quelqu'un que vous avez...